Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Où est-ce que tu les as cachés, tes petits dossiers de merde ? Gagné. Je suis allé une fois chez Bioman dans sa maison de campagne. Il avait sorti un classeur avec des papiers sur sa lander. Ah bravo. C'est maintenant que tu t'en souviens. Salut Ericsson, c'est Tony. Merci pour l'info de l'autre jour. Mais c'est du nouveau. Les Liboriens ne connaissaient Björk. La psychiatrie de Saint-Stéphane. Il fallait me mettre hors circuit. Déjà venu à bout de deux familles. Tu m'enfoiré. Suis-je la bonne personne pour s'occuper d'elle? Hé, Ericsson! Ericsson! Je t'arrête pour violation du secret professionnel et obstruction à une enquête judiciaire. Je vais parler, mais à certaines conditions. Hé, mais regarde-moi ça, Maggie! Viens là! Ça serait pas cette petite pute du salon? Bats-toi, espèce de porc! Ce que je vais vous raconter est classé secret défense. C'est un des plus grands secrets de l'État suédois. Merci pour l'arrêt. Ça commence comme un roman d'espionnage. C'en est un. 12e épisode. Je vous parle de la jeunesse de Salachenko ou je vais directement à l'essentiel? Non, je veux tout savoir. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était à la GRU? À 20 ans, il a été envoyé à Cuba pour s'entraîner. Il est passé par la Bulgarie, la Hongrie, et en 65, il a été promu lieutenant. Il s'est retrouvé à Rome. Ça a été sa première mission undercover, c'est-à-dire en civil, avec un faux passeport et sans contact avec son ambassade. En 67, il a été transféré à Londres, où il a organisé l'exécution d'un transfuge du KGB. Belle promotion. En quelque sorte. Il est devenu un des meilleurs agents de la GRU. Il parle 6 langues couramment. Il est expert en camouflage et en technique de survie. Il s'est fait passer pour journaliste, photographe, marin. Il avait ses propres agents. Il organisait lui-même ses opérations. Mais comment il s'est retrouvé en Suède? J'y arrive. Petit à petit, Salachenko a commencé à déconner. Au début, c'était des broutilles et ses supérieurs passaient l'éponge. Il détournait un peu d'argent à droite à gauche, il picolait. En 76, il a totalement foiré une mission en Espagne. Et il a reçu l'ordre de retourner en URSS. Il a refusé. La GRU a envoyé un attaché militaire pour le raisonner. Et Salachenko l'a tué. Ah ouais? Il s'est enfui. Et il a réussi à rejoindre la Suède. Il a contacté la police secrète et il a demandé l'asile politique. Et il a pu rester en Suède? Évidemment. C'était la première fois qu'un membre important de la GRU passait à l'Ouest. On n'allait pas s'en priver. J'imagine qu'il avait des informations à vendre. Un paquet. Et il savait s'y prendre. Grâce à lui, on a pu identifier un agent russe au quartier général de l'OTAN à Bruxelles. Un agent illégal à Rome. Une mine d'or. Autrement dit, c'est devenu un collaborateur de la CEPO. Oui. On lui a refilé une nouvelle identité et un salaire. Il était en permanence à notre disposition. Mais Björman, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? En 76, j'avais 33 ans. Je travaillais à la CEPO depuis 3 ans. Björman en avait 26. Il venait d'obtenir son diplôme et il faisait un stage chez nous. On était de garde ensemble le jour où Salachenko a débarqué pour demander l'asile politique. J'ai d'abord cru qu'on avait affaire à un réfugié ordinaire et j'ai demandé à Björman de s'occuper de la paperasse. Quand j'ai compris qui on avait en face de nous, j'ai appelé mon chef. Il a décidé que la suite devrait se faire dans le plus grand secret. Qui était ton chef? Ça, je vous le dirai pas. De toute façon, ça n'a aucune importance. Et ensuite? On m'a chargé de garder un œil sur lui. Pourquoi? C'était un électron libre, souvent imprévisible. Il buvait, il pouvait être violent. Plusieurs fois, j'ai dû intervenir pour arranger des histoires où il était allé se fourrer. Et le rôle de Björman, alors? C'est totalement par hasard que Björman s'est retrouvé dans cette histoire. On a été soulagés quand il a quitté la police secrète pour ouvrir un cabinet d'avocats. C'était pas un type très intelligent. Et Salatchenko, il est où maintenant? J'en sais rien. Quand l'Union soviétique s'est écroulée, il a perdu tout intérêt pour nous. Nos contacts se sont espacés, ça va faire 12 ans que je l'ai pas vu. J'ai entendu dire qu'il a quitté la Suède en 92. Mais il est revenu. Et son nom est cité dans une affaire de trafic d'armes, de drogue et de prostitution. J'imagine que vous lui avez donné une nouvelle identité. C'est quoi son nom suédois? Je vous le dirai pas non plus. Björk. Ce type a commis 3 meurtres. Et la police traque une innocente. Pourquoi Salander serait innocente? Parce que c'est Salah qui a tué. Faux. Salah n'a tué personne. Et pourquoi? Salatchenko a 65 ans. Il a été amputé d'un pied. Il est gravement handicapé et il marche avec des béquilles. Pour qu'il tue quelqu'un, il faudrait d'abord le transporter sur les lieux du crime en ambulance. Salah. Comment vous êtes tombé sur ce nom? Il faut demander ça à Michael. Sonia, il me semble que Erika Berger a été claire. Je peux vous aider à éplucher la liste de Dag Svensson, mais ça s'arrête là. Sonia, vous avez coupé votre portable? Votre chef essaye de vous joindre, je crois que c'est assez urgent. Prendre un verre ailleurs qu'au bureau. Ça va? T'as l'air abattu. Je devrais prendre ma retraite. Pourquoi? Cette enquête s'enlise. J'ai vu Ekström, je lui ai raconté ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Fais pour le mieux. J'ai pas pour habitude de dénigrer mes supérieurs, mais Ekström est vraiment un gros connard. De toute façon, tu es officiellement réintégré dans l'équipe. J'ai un peu l'impression qu'on est les deux seuls à bosser, non? Fasté n'a pas donné signe de vie depuis ce matin. Si demain il ne se pointe pas, je diffuse un avis de recherche. Qu'est-ce qui va se passer pour Ericsson? Je voulais le mettre en examen, mais Ekström n'a pas osé. On l'a juste viré. Et on a interrompu notre collaboration avec Milton Security. Kurt Bolinder va faire une perquisition chez Maggie Lundin. Et Yerker est en train de recoller les morceaux de Gustafsson. Le deuxième corps déterré est celui d'une femme. J'ai l'impression que cette histoire est encore plus tordue que ce qu'on imaginait au départ. Je ne sais pas quoi te dire. On sait si c'est vraiment Maggie Lundin qui a enlevé Myriam Wu? Oui. On a montré des photos de Bikers à Paolo Roberto. Il l'a identifié sans hésiter. Lundin colle aussi avec le signalement de l'agression de Lisbeth dont parle Bengvist. On peut en déduire que les gars du motoclub de Zwavelfuen poursuivent Salander depuis un certain temps. Mais pourquoi est-ce qu'elle est allée dans la maison de campagne de Burman? Elle devait chercher quelque chose. Sur place, on a trouvé des rapports de Burman sur elle pour la commission des tutelles. Ils sont numérotés. Il manque le 2 et le 3. Pourquoi elle chercherait des informations sur elle-même? Soit elle veut dissimuler un rapport sur elle écrit par Björman, soit au contraire, elle veut apprendre quelque chose. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Björman a rassemblé autant de documents sur Salander pour ensuite les cacher dans sa maison de campagne. On dirait qu'il était obsédé par elle. Yann, c'est pas Salander qui a fait tout ça. Tous ces meurtres. J'y croyais au départ, mais plus maintenant. Moi non plus. Björk. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je te parle. C'est pas une bonne idée. Tu te trompes. J'ai des choses très intéressantes à te raconter. Écoutez, docteur, je ne veux pas le harceler. Juste obtenir deux ou trois infos qui m'aideraient à prouver l'innocence de Lisbeth Salander, c'est tout. Monsieur Blomqvist, beaucoup de journalistes veulent voir Monsieur Palmgren ces derniers temps. Il a toujours refusé, cette affaire l'affecte beaucoup, vous comprenez? Justement, docteur. Dites-lui que je suis un ami de Lisbeth et que je veux l'aider, c'est tout. Sa tête ne me revient pas, je le mettrai dehors. Bonjour, Holger. On est d'accord. Entretien privé, pas interview. Oui, oui, d'accord. Alors, vous prétendez être un ami de Lisbeth? Je le suis. Je m'appelle Michael Blomqvist. Je suis journaliste, mais je ne suis pas venu vous voir pour écrire un article. Je suis venu pour aider Lisbeth. Holger, vous n'êtes pas obligé de me parler. Je vous demande seulement de m'écouter et ensuite vous pourrez me mettre à la porte si vous voulez. Je suis certain que Lisbeth n'a rien à voir avec ces meurtres. Je pense que le coupable s'appelle Salatchenko. Assieds-toi. Salatchenko. Alexander Salatchenko. Vous le connaissez? Oui. C'est le père de Lisbeth. Quoi? Tu as bien fait de venir. C'est important que je raconte cette histoire à quelqu'un si je mourais subitement. Ce qui n'est pas à exclure. Si tu veux du café, sers-toi. Merci. Salatchenko a rencontré Agneta, la mère de Lisbeth, en 1977. C'était une sorte de réfugié politique. Lisbeth ne m'a jamais dit précisément. Ils ne se sont pas mariés, mais ils ont eu deux filles ensemble, des jumelles. Lisbeth et Camilla. Lisbeth a une jumelle? Il y en aurait deux comme elle. Elles sont très différentes. Quand les jumelles sont nées, leur mère a décidé de changer de nom. Elle s'appelait Siolander et elle est devenue Salander. C'était sans doute sa façon de montrer son attachement. Comment ça? Sala. Siolander, ça fait Salander. Mais bien sûr. J'ai cru comprendre qu'Agneta était une jeune fille assez immature, très amoureuse et très impressionnée par Salatchenko, qui était plus âgé, plus expérimenté. Il n'était pas souvent à la maison. Il s'évanouissait dans la nature sans donner de nouvelles. Quand il revenait, c'était pour tabasser et violer sa femme. Il buvait beaucoup. Ce n'était pas seulement une violence physique, il la terrorisait psychologiquement. Il frappait aussi les enfants? Non, il ne s'intéressait pas à ses filles. Quand il arrivait, leur mère les envoyait dans leur chambre pour leur épargner ça. Elles n'avaient pas le droit de sortir sans autorisation. Pauvre Lisbeth. Elle m'a raconté tout ça un mois avant mon attaque. C'était la première fois qu'elle parlait de son passé. Je lui avais dit que je voulais relancer son cas au tribunal d'instance. Un jour, tout a changé. C'était en 1993. Quand Lisbeth m'en a parlé, elle appelait ça tout le mal. Que s'est-il passé? Assieds-toi, s'il te plaît. Lisbeth avait 12 ans. Salatchenko est revenu après plusieurs mois d'absence. Comme à son habitude, il a violé et tabassé Agneta. Mais les filles avaient grandi. Lisbeth avait changé. Elle est sortie de sa chambre, elle est allée dans la cuisine, a pris un couteau et l'a planté dans le dos de son père. Elle l'a frappé 5 fois avant qu'il arrive à lui enlever le couteau des mains et à lui flanquer une raclée. Les blessures étaient importantes. Salatchenko a dû aller à l'hôpital. Mais bizarrement, il n'y a pas eu d'enquête de police. Lisbeth m'a dit qu'un homme était venu parler à Agneta et que tout s'était arrangé. Björk. Quoi? Je sais qui est allé faire le ménage. Salopard. Bon, excuse-moi, continue. Salatchenko a encore disparu. Lisbeth, elle, s'est préparée à son retour, comme une guerrière. Elle surveillait la maison, elle allait de moins en moins à l'école, elle avait peur pour sa mère. Malheureusement, le jour où il est revenu, elle était à l'école. En rentrant, Lisbeth a vu sa mère par terre, évanouie. Son père a éclaté de rire. Il est monté dans sa voiture pour repartir. Lisbeth l'a suivi. Elle a préparé son coup. Elle est descendue avec une brique de lait qu'elle avait remplie d'essence. Elle l'a vidée sur son père. Et elle a craqué une allumette. Nom de Dieu. Zatchenko a réussi à sortir de sa voiture. Il brûlait comme une torche. Il a été hospitalisé. On l'a amputé d'une jambe. La mère de Lisbeth a eu des graves lésions cérébrales. Elle ne s'est jamais remise des coups qu'elle a reçus ce jour-là. C'était la deuxième fois que Lisbeth essayait de tuer son père, mais cette fois, il y a eu des conséquences. Elle a été immédiatement internée à la clinique psychiatrique de Saint-Stéphane. C'est un cauchemar. C'est toi qui le voulais, hein? Tu le sais. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Je dois partir. Tu vas où encore? J'ai deux, trois trucs à finir. Lisbeth. Quelle histoire, quelle histoire. Assieds-toi ou tu risques de ne plus avoir de semelles. Mais la soi-disant folie de Lisbeth... Peter Teleborian, c'est lui le responsable de son internement. Il doit y avoir un lien avec Björk. Ils ont forcément collaboré. Lisbeth m'a dit de me méfier de Teleborian. T'as dit ça quand? Pendant sa cavale. On a pu communiquer via nos ordinateurs. Elle n'a pas été très bavarde, mais... elle m'a tout le temps orienté dans la bonne direction. Excuse-moi de te dire ça, mais... tu t'es occupé d'elle pendant des années. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi tu n'as pas réussi à la sortir de ce merdier. Quand on m'a confié son cas, Lisbeth n'était pour moi qu'une jeune à problème, parmi d'autres. Elle était déjà internée à Saint-Stéphane. Teleborian m'avait expliqué qu'elle était psychotique et qu'elle recevait tous les soins nécessaires. J'ai cru, comme un imbécile. Je pense que j'aurais fait pareil. Plus tard, j'ai parlé à Jonas Beringer, qui était chef de service à Saint-Stéphane. Il a fait une évaluation de Lisbeth à ma demande. On s'était mis d'accord pour essayer de tenter sa réinsertion sociale via une famille d'accueil. Elle avait 15 ans. Tu commençais à mieux la connaître? Oui, et je l'aimais beaucoup. J'ai réussi à empêcher qu'elle soit internée jusqu'à la fin de ses jours. En échange, les autorités ont demandé à ce qu'elle soit déclarée socialement inapte et que je devienne son tuteur. C'était le moins mauvais des compromis. Je comprends mieux. Ça n'a pas dû plaire à Björk. Il voulait qu'elle reste enfermée et il avait l'aide de Teleborian. Mais il ne pouvait pas faire pression sur la justice, ça aurait semblé bizarre. Et finalement, le tribunal a adopté ton point de vue. J'aurais dû agir avec plus de force. Et plus tôt, pour faire lever la décision de mise sous tutelle. Mais je remettais toujours ça plus tard. Et ensuite, je suis tombé malade. Ne culpabilise pas. Tu es un des seuls à l'avoir soutenu. En tout cas, son refus de toute autorité est plus clair maintenant pour moi. Chaque fois qu'elle a essayé d'alerter les gens autour d'elle, sa situation a empiré. Personne ne l'a jamais cru. Et quand elle protège sa mère, on l'enferme dans un asile. Quand tu as eu ton attaque, tu crois que le choix de Burman pour te remplacer s'est fait par hasard ? Non. Eh bien, moi non plus. Tu as déjà joué aux échecs avec elle ? Non. Elle a une mémoire photographique. Ça, je sais, je l'ai vue à l'œuvre. Elle adore les énigmes. Une fois, je lui ai donné à résoudre un test de Mensa. On te montre 5 symboles, il faut extrapoler le 6e. J'avais planché dessus pendant 2 jours et je n'avais trouvé que la moitié des réponses. Elle a jeté un regard sur la feuille, a répondu direct à toutes les questions. Tout était juste. Je pense qu'elle a une forme de syndrome d'Asperger. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut l'aider. Déjà, trouver Tsalachenko. Mais comment ? Désolé de vous déranger, mais vous devriez allumer la télé. Il parle d'Elisabeth Salander. Elle a massacré 2 bikers dans une maison de campagne. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. 12e épisode avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Quentin Bayot, Gunnar Björk, Johanna Nizar, Sonia Modig, Pauline Moulin, Malou Eriksson, Marie Payen, Erika Berger, Philippe Lofredo, Alexander Salachenko, André Marcon, Yann Boublanski, Pierre-Yves Desmonceau, Holger Palmgren, Léonie Pinjot, Myriam Hou. Et les voix de Bruno Boulzague et Netta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.